9 B. Dis-moi, Virginie, tu me donnes la recette de la quiche aux poireaux que tu m'avais promise? Ah oui, c'est vrai. Alors, pour faire une quiche aux poireaux, on a besoin de 4 beaux poireaux, de 3 œufs, d'un pot de crème fraîche, d'accord, d'une pâte brisée, de lait et de gruyère râpée. Bon, bah alors attends, de la pâte brisée, je sais pas faire ça, moi. Mais non, tu l'achètes toute prête, c'est plus facile. Ah bon? Parce qu'on vend des pâtes brisées comme ça, dans le commerce, toutes prêtes. Mais oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Bon, c'est bien. Donc, alors, tu mélanges les œufs avec un peu de lait, je dirais 20 centilitres environ, et avec le pot de crème fraîche. Tu mélanges, tu rajoutes un peu de poivre et de sel. Attends, le pot de crème fraîche, c'est un petit ou un grand? Un pot de 20 centilitres, ça suffit. Bon, d'accord. Ensuite? Alors ensuite, pendant ce temps-là, tu prépares les poireaux. D'abord, tu ne gardes que la partie blanche et tu la laves soigneusement pour bien éliminer la terre. Après, tu éminces les poireaux. Ça veut dire quoi, émincer? Eh bien, ça veut dire que tu coupes les poireaux en fines tranches. D'accord. Alors, une fois que j'ai émincé les poireaux, je fais quoi? Bon, tu les fais revenir 15 minutes dans un peu de beurre pour qu'ils soient bien fondants. Après, tu étales la pâte brisée dans le moule et tu piques avec une fourchette. Bon, d'accord. Là, je suis... Alors, ça, c'est pour éviter que la pâte ne gonfle. D'accord. Alors après, quand les poireaux sont assez cuits, tu les verses sur la pâte brisée et tu rajoutes le mélange des œufs, du lait et de la crème fraîche par-dessus. D'accord. Et ensuite, tu mets un peu de gruyère râpée dessus et tu mets au four pendant 35 minutes. 35 minutes, oui. À quelle température? À peu près 180 degrés. 180 degrés, 35 minutes. Oui, voilà. Mais il faut surveiller, hein? Oui, oui, d'accord, je comprends. Alors, je la sers. Je la sers avec quoi, en fait? Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, ce que je préfère, c'est simplement avec une bonne salade verte. Avec de la salade verte. Super. Mais écoute, je la fais ce soir.